je devais résumer ma vie en quelques lignes, en plusieurs phrases, j'étalerai sur ces sillons les certains mots de ces naufrages, les photos des visages que l'on sort de l'étalage. Autant de poussière que toutes ces années qui passent. Les feuilles blanches sont marquées par les rayons de cette dune, les couleurs qui s'effacent laissent apparaître une odeur de bitume. Un air si pur que je rêvais de respirer, un air aphrodisiaque qui m'empêcha de me marrer. Première partie, je la déroule sans une poésie, sans une petite et fine gouttelette tombée d'un récif. Un vide subtil qui natif d'une vie possessive, trop perturbante, une vie si frappante, en dents de scie qui me rappelle cette enfance. Je me plonge, je m'éveille, je m'effondre contre ce maudit album de mes rêves qui semble à mes yeux couleur de l'océan, fragilisé par cet oubli. Le résumé de sa vie. J'en danse pour la cause d'une étiquette collée par mes proches et mioches sans un sou, un peu chaque gueule moche et sans reproche. Très vite j'évite les bavures d'une vie pathétique, fameuse soirée d'hiver morbide et d'un côté amer. J'explique sur ce beat à l'aspect plutôt sensible, les premiers pas des gosses sans argent, sans un bouquet de roses. Pour la fête d'une mère, côté finance c'était pas clair. Cloîtré sur moi-même, les larmes qui tombaient du ciel, reposant mes songes et mes rêves éternels. Les images défilent et mon regard s'illumine, devant cette vitrine je m'enléchais les babines. Époque navrante tellement si douloureuse, j'ai tourné cette page et les tirages laissent une trace. Plus rien ne s'efface et les clichés de cette classe ravivent ma mémoire et je me sens tout bizarre. Ma rétine humide fait tomber cette phrase. Le résumé de sa vie. Enfin pour en finir, les mots se cachent pour mourir, tes parents se déchirent et tout le reste à venir. Avoir vécu tant de délires, de pénibles souvenirs, regarder mon enfant sans un petit léger soupir. Mon rêve d'or est mort et mon silence pèse de l'or. Un jour j'ai pu comprendre que la vie n'est pas à vendre, entendre et puis attendre des heures, des minutes, des secondes. Que la tempête passe en sombrer dans la pénombre d'une famille divisée, fils unique avec un petit regret. Je n'ai pas eu le temps de dire combien ça me manquait. Une petite pensée pour la belle fleur que j'ai aimée. Un coup de vent si fort, 10 ans d'une vie saccagée. Cash j'ai payé, ok c'est bon, c'est résumé. J'y reviens pas dessus, c'est bel et bien du passé. L'encre de ma plume coule sans pour autant oublier, laissant derrière elle sa seule unique identité. Le résumé de sa vie. Le résumé de ma vie. Le résumé de ma vie. Le résumé de ma vie.